Jean Froissart est le troisième des chroniqueurs du Moyen Âge que je vous avais annoncé. Voici quelques extraits de ses chroniques écrites au XIVe siècle.